J'suis plein de contradictions, de défauts d'audition. Plein de sons, plein de cours, plein de contestations. Je vis de zig, de gaffe, de zig, de caf et de trac. Avec la rive et d'inkipit, je rappe de foutre le feu au flac. Brigue et l'impossible, puis d'écrire l'indicible. Pour ça toutes ces lyrics et tous ces poils qui s'irisent. J'suis plein de vices cachés et le témoin de tristes vies gâchées. Les pieds sur terre, la tête ailleurs et le cœur lourd comme un salaire de footballeur. J'bloque tout compteur, choc, tout en douceur dans une époque où l'odeur et le bruit sont une erreur. J'troque leur délire et mes peurs pour cette ultime baroude d'honneur. Je suis le marchandeur et puis le bon payeur. Je suis le scat de nous trois, celui qui a besoin d'un coiffeur. Je suis à la lumière et à couvert et vie comme les corps à plusieurs. Je suis celui qui se terre car il est l'heure d'en mitoufler sans bonheur.